pandame. Et les gros bras dans le club Van Damme. J'fume la veuve d'Amsterdam. Celle qui est bonne qui te monte au crâne. Tu veux de la bonne, le petit écrase de Doliprane. Si dans le vice tu déconnes, le surviendra armé en bécane. Moi c'est une bécane, nanana, et je déconne, nanana. J'ai que je vous étonne, nanana. Encore un album, nanana. J'suis plus dans la zone, nanana. J'me suis taillé, nanana. Mi corazón, nanana. J'm'en vais, ça y est, nanana. Pochon dans le sac des choix, plaquette pour poser, choix. J'ai envie de rebelle, formé dans la vie pour faire des choix. Sont ils là à mon décès, j'ai fait des sous, ça m'a laissé. Ça m'a haï, rabaissé, à mériter des fessés. Tu me racontes tes blèmes, j'ai d'autres soucis. Ils m'en veulent, ils m'aiment, c'est la jalousie. Ils récoltent ce qu'ils aiment, j'suis comme eux donc moi aussi. Dis-moi ce qu'ils gênent. Ça veut le port d'armes, les gros bras j'en claque Van Damme. J'fume la veuve d'Amsterdam, celle qui est bonne qui te monte au crâne. Ça veut le port d'armes, les gros bras j'en claque Van Damme. J'fume la veuve d'Amsterdam, celle qui est bonne qui te monte au crâne. Des fois j'passe par le secteur, ils me reviennent les souvenirs. Les temps pleins dans le quartier, avant de voir les souvenirs. J'vois le salaire d'un joueur ballon, j'vois encore deux tics dans le salon. J'pas changé, j'représente toujours, t'as un soin à farlette, beau match une salon. Promenade, ça travaille les pecs. Rien du parlu, ça arrache des têtes. Tu fais une balance, elle m'attend les bêtes. Tu fais une balance, elle m'attend les bêtes. Tu me racontes tes blèmes, j'ai d'autres soucis. Ils m'en veulent, ils m'aiment, c'est la jalousie. Ils récoltent ce qu'ils aiment, j'suis comme eux donc moi aussi. Dis-moi ce qu'ils gênent. Ça veut le port d'armes, les gros bras j'en claque Van Damme. J'fume la veuve d'Amsterdam, celle qui est bonne qui te monte au crâne. Ça veut le port d'armes, les gros bras j'en claque Van Damme. J'fume la veuve d'Amsterdam, celle qui est bonne qui te monte au crâne. Moi j'fume des cannes, nanana, et j'ai des cannes, nanana.